seule mon âme se repose. De lui vient mon salut véritable. Il est mon rocher et ma délivrance, ma haute retraite inébranlable. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur l'homme pour le renverser comme un mur qui penche? Ils conspirent pour le faire tomber, ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de la bouche mais maudissent en secret. Ils dressent des pièges dans l'ombre, mais moi en Dieu seul, j'attends en silence, car mon espérance vient de lui. En Dieu seul, ô mon âme, repose-toi, car de lui vient mon salut. Ma forteresse, je ne chancerai plus. Ne vous confiez pas dans l'oppression, ne placez pas votre espoir dans la richesse. Si elle augmente, n'y attachez pas votre cœur, car l'homme n'est qu'un souffle. Dieu a parlé une fois, j'ai entendu deux fois. À Dieu appartient la puissance, à lui appartient aussi la bonté, car il rend à chacun selon ses œuvres. En Dieu seul, ô mon âme, espère, car ton secours vient.